Vitaliho. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. La délégation de la communauté internationale sur la région des Grands Lacs en visite au Burundi a rencontré mardi les partis politiques. Pas tous en tout cas à en croire l'offre des bouts qui dit attendre encore, sinon il était question d'échanger sur la situation politico-sécuritaire qui prévaut dans le pays selon le FNL. Dans cette édition, nous parlerons de la politique dite de Charroi Zéro. Un échec d'après l'analyse du président de l'organisation PARSEM, Parole et Action pour le Réveil des Consciences et l'évolution des mentalités, et n'a pas limité les dépenses comme on s'y attendait. Environnement, 8 personnes de la commune Ebusiga sont sous les verrous depuis hier mercredi en Ngozi. Elles sont accusées de l'exploitation illégale d'argile. Dans ce journal également, le scanner de l'hôpital du cinquantenaire de Karoussi, troisième référence, est en panne depuis une année. Et puis, avant la chronique judiciaire, c'est en effet le rendez-vous de jeudi, nous parlerons éducation. La commission parlementaire chargée de l'éducation renseigne qu'elle se penche sur la décision ministérielle interdisant les filles enceintes et les garçons auteurs de grossesse de fréquenter le système éducatif formel. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La délégation de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs en visite au Burundi a rencontré mardi certains partis politiques, parmi eux le parti FNL. Ambassadeur Anatole Bachanamo, chargé de la communication au sein du FNL, explique que l'échange avec cette délégation n'était qu'une évaluation de la situation politico-sécuritaire au Burundi. Parmi les points qui faisaient objet de cet entretien, dit-il, il y avait la question du dialogue inclusif et le référendum de mai dernier. Suivez-le au téléphone avec Placide Niyomungere. Cette rencontre était basée sur l'évaluation de la situation au Burundi. Cette délégation avait mis à l'ordre du jour 4 points. L'état des lieux du dialogue, la sécurité au Burundi, la question du référendum, la situation des droits de l'homme au Burundi et notre vision pour 2020. Quel a été le comportement des partis qui étaient présents? Par exemple, concernant le dialogue, la question du dialogue a été réglée avec le discours du chef de l'État. Concernant la sécurité au Burundi, nous leur avons demandé de sillonner tout le pays à l'heure qu'ils veulent et ils vont constater que la sécurité règne à travers tout le pays. Et concernant le référendum, nous avons montré, comme tout le monde le sait, que le référendum s'est déroulé dans un climat très démocratique. Nous avons effectivement d'abord salué cette initiative de venir s'enquérir sur place de la situation au Burundi, plutôt que de faire comme récemment le Parlement européen qui a sorti des propositions de résolution qui n'ont rien à voir avec la situation actuelle au Burundi. Du côté du parti sahraouien Frodebou, ils n'ont pas été invités. Pierre Claver Nahimana, le président, trouve que cette conférence internationale sur la région des Grands Lacs n'avait pas prévu sur son agenda de rencontrer le parti Frodebou, mais espère tout de même que la délégation va le contacter pour donner son point de vue. Suivez. Au niveau du parti sahraouien Frodebou, nous n'étions pas au courant qu'il y avait une délégation de ce genre qui était venue pour des activités que vous êtes en train de décrire. À notre avis, peut-être s'ils sont venus, effectivement, comme vous le dites, ils avaient leur agenda, ils avaient leur ordre du jour, ils avaient ce qu'ils venaient voir. Si le parti sahraouien Frodebou ne figurait pas sur leur agenda, ça, ils savent pourquoi ils l'ont fait. Le parti sahraouien Frodebou n'a pas été invité. Nous avons dit clairement que toutes les réunions politiques, toutes les activités politiques, que ce soit à l'extérieur du pays, que ce soit à l'intérieur du pays, qui concernent le processus de paix au Burundi, le parti sahraouien Frodebou va répondre présent. Maintenant, l'organisation dont vous parlez, s'ils ont estimé qu'il ne fallait pas mettre le Frodebou sur l'agenda, ils ont peut-être leurs raisons. Peut-être qu'ils savent comment ils vont nous contacter. Ils ont certainement leur programme, donc on ne peut pas en dire plus. Je vous le disais tantôt, 8 personnes et toutes de la zone Rukecho en commune Ebusiga de la province Ngozi sont depuis ce mercredi sous les verrous en Ngozi. Ils sont accusés de l'exploitation illégale d'argile. L'Office burundais pour la protection de l'environnement rappelle qu'il est strictement interdit d'exploiter les carrières sans autorisation des autorités habilitées, cela en vue de protéger l'environnement. Le point avec Apollinaire Muzagara. Ces 8 hommes ont été arrêtés après une mise en garde faite par l'Office burundais de la protection de l'environnement, une mise en garde leur indiquant qu'ils travaillent dans l'illégalité. L'antenne provinciale de l'OBPE rappelle que le nouveau code de l'environnement et d'autres lois y relatives exigent une autorisation d'exploitation des carrières, argiles, moellons et autres à toute personne désirant opérer dans ce secteur et de préciser que les experts de cet office doivent effectuer une descente sur terrain afin de s'assurer de la protection de l'environnement avant, pendant et après ces activités. Un pas en avant a été fait dans ce domaine en province Ngozi malgré son nouveau cas, indique les responsables de cet office burundais de recettes en Ngozi. Et cela grâce à la sensibilisation de ce nouveau code de l'environnement. L'antenne Ngozi de l'OBPE salue à cet effet les efforts actuels des administratifs à la base dans la dénonciation des exploitants illégaux. Vous saurez que cette activité d'exploitation des carrières se fait en coopérative actuellement. La province Ngozi compte déjà une trentaine réparties dans les 9 communes de cette province, dont Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Santé à présent pour vous dire que l'épilepsie domine chez les personnes atteintes de maladies neuropsychiatriques en province de Muyinga au nord du pays. L'équipe de soignants du centre neuropsychiatrique de Kamenge en descente à Muyinga pour une semaine demande aux proches des patients d'éviter de les stigmatiser. Les proches de ces patients demandent à leur tour la gratuité des soins pour de telles maladies. Le point avec Dieudonné Nzeyimana. C'était la station de lavage du café Cerise de la société Bougestal située à Nyama, à la commune de Muyinga, a eu lieu le premier paiement en faveur des caféiculteurs dans la province de Muyinga. Ici, autour de 300 millions de francs burundais vont être payés pour le premier round. Les caféiculteurs avec des coupons en main sur la main. Le café a été divisé en deux catégories. Le café Cerise A, de bonne qualité, acheté à 500 francs le kilo. Le café Cerise B, contenant des productions de la maturation, n'a pas été totale et vendu à 250 francs pour le kilo. Des prix mal... Je vous disais en page santé que l'épilepsie domine chez les personnes atteintes de maladies neuropsychiatriques en province de Muyinga. L'équipe de soignants du centre neuropsychiatrique de Kamenge en descente à Muyinga pour une semaine demande aux proches des patients d'éviter de les stigmatiser. Les proches de ces patients demandent à leur tour la gratuité des soins pour de telles maladies. Poursuivons ce journal, toujours en page santé, pour vous dire que l'appareil de la radiographie scanner de l'hôpital du cinquantenaire de Karusi, qui détecte les maladies dans les différentes parties du corps humain, reste en panne depuis une année. C'est au moment où les gens qui venaient de toutes les régions du pays et dans les pays frontaliers venaient se faire soigner à cet hôpital de troisième référence à la recherche de cet appareil, comme l'indiquent les responsables de l'hôpital. Cependant, il y a quelques mois, l'ancien ministre de la Santé avait affirmé au début de cette année que ce scanner allait être réparé sans tarder. Blaise Pascal Kararoumié. Les 10 scanners de l'hôpital de Karusi qui montrent les différentes parties du corps et leur état est tombé en panne depuis le mois d'août de l'année passée 2017. Les responsables de l'hôpital de Karusi affirment que depuis ce temps, plusieurs tentatives de réparation de ce scanner ont été faites, signalant ainsi plusieurs défis relatifs qui ont été établis par des techniciens bien rodés, précises et ses responsables. Ils indiquent que des populations venaient de toutes les régions du pays et même des pays frontaliers en Tanzanie ou en République démocratique du Congo pour se faire soigner à cet hôpital, soit à cet appareil scanner, que les spécialistes jugeaient même de plus moderne par rapport à d'autres appareils qui sont dans le pays. Un médecin spécialiste de la chirurgie qui preste à cet hôpital du cinquantenaire de Karusi et dans d'autres hôpitaux de Bujumbura nous a indiqué que suite à cette panne, il a suspendu certaines de ses prestations telles que la chirurgie au niveau de la tête et au niveau d'autres organes qu'il qualifie lui-même de délicat. Cependant, la ministre de la Santé d'alors avait promis au début de cette année en cours la réparation sans tarder de cet appareil scanner et les sources de ce même ministère faisaient état de l'existence du marché déjà en cours. Au niveau de la direction de cet hôpital, elle indique qu'elle attend encore ce que sera fait par le ministère de tutelle. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Merci à Blaise et Pascal. La politique de Charroi Zéro a connu un échec car elle n'a pas limité les dépenses excessives comme l'on s'y attendait. Ça a été dit, ça a été plutôt une occasion d'enrichir un groupe de gens, selon du moins l'analyse du président de l'organisation Parole et Action pour le Réveil des Consciences et l'Évolution de Mentalité, par ses en sigle. Faustin Dikoumana trouve qu'il faudrait redéfinir la politique de gestion du charroi de l'État pour éviter que ce soit toujours les citoyens qui doivent contribuer. C'est une politique qui a subi un échec cuisant. D'abord, l'objectif de la mise en application de cette politique, c'était une réforme allant de nature à limiter l'augmentation excessive des frais de fonctionnement liés à l'entretien ou à l'achat des véhicules. Mais malheureusement, on a constaté que les frais de fonctionnement ont continué à augmenter au même rythme qu'avant la mise en application de cette réforme de charroi zéro. Et on a constaté que ça a été une occasion d'enrichir une certaine poignée d'hommes parce qu'il a fallu vendre des véhicules coûtés à vil prix à certains individus qui l'ont même utilisé et pour d'autres finalités. On avait constaté qu'il a déjà utilisé ses véhicules à location pour les rentabiliser, ou bien les autres les ont vendus à un prix exorbitant pour gagner. Troisièmement, on constate que l'État continue à acheter d'autres véhicules et maintenant le système continue. Les gens alors profitent de cette situation pour continuer à se donner des avantages et à partir de ces véhicules. Ça, c'est un comportement qu'il faut changer. Il faut évaluer la politique et redéfinir actuellement la politique de gestion du charroi de l'État qui devrait donner des résultats efficaces par rapport aux besoins actuels. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'État même n'est pas assisté. Et on continue à observer le même comportement de mauvaise gestion des finances publiques qu'avant même cette situation beaucoup plus sensible. Alors, on va tout bonnement dans une situation où l'État va continuer à forger des contributions citoyennes qui vont accabler les citoyens, alors qu'il y a des opportunités qui sont margées, qui devaient mettre à contribution pour que justement certaines dépenses prioritaires puissent être couvertes. Faustin Dikoumana, président de la PARSEM, propos recueillis par Francine Ndéokoubgaïo. Le recteur de l'Université du Burundi tranquillise que la sécurité est bonne au sein du campus Mutanga. Il réagit aux propos de certains des étudiants selon lesquels certains de leurs camarades font des rondes nocturnes ainsi que des craintes qui ont été exprimées par rapport à l'arrestation de trois d'entre eux. Professeur François Hafzalimana a dit plus tôt que la situation est normale à ce campus universitaire de Mutanga. Seulement, selon lui, un de ses étudiants arrêtés étaient en possession des cartouches d'un fusil. Suivez-le au micro d'Alain Désiré Boukayeneza. Ils aient à faire des patrouilles. Ce ne sont pas les étudiants qui gardent la sécurité à l'Université du Burundi, mais c'est plutôt des éléments de la police qui sont ici présents à l'Université du Burundi qui assurent la sécurité des étudiants et du patrimoine de l'Université du Burundi. Mais il est seulement qu'il y a un groupe ou certains étudiants qui contrôlent la rentrée des étudiants dans le campus avant 21h du soir. Je pense que ces étudiants qui le disent, ce sont des étudiants qui sont manipulés par certains politiciens, parce que s'il s'avère que ce genre de situation arrive, ces étudiants n'allaient pas le dire dans vos médias, mais ils allaient plutôt contacter dans un premier temps les responsables de l'université. Mais jusqu'à maintenant, à notre connaissance, de la base au sommet, personne n'a été contacté pour résoudre ce problème. Il y a trois étudiants qui ont été arrêtés dernièrement. Quel est le chef d'accusation? Permettez-moi d'abord de ne pas dire trop sur ce dossier parce que c'est un dossier qui est pour le moment en cours d'instruction. Mais je dois tout simplement vous dire que l'un des deux étudiants a été surpris avec des cartouches, 13 cartouches, du fusil Kalachnikov dans sa chambre, avec un imperméable de police et avec des ceintures de police. L'autre a été attrapé avec un document qui contient des écrits pouvant perturber la sécurité des campus, voire même du pays. Raison pour laquelle ils ont été arrêtés pour être conduits à la police pour interrogatoire. Est-ce que les étudiants n'ont pas le droit de faire de la politique? Je dois signaler que ces étudiants, les étudiants ici, ce sont des étudiants qui sont en âge de voter. La plupart des cas, ils sont sollicités par les hommes politiques. Raison pour laquelle, quelquefois, ils sont induits en erreur par ces politiciens. La commission parlementaire chargée des questions de l'éducation à la Chambre basse du Parlement fait savoir qu'elle se penche sur la décision ministérielle interdisant les filles enceintes et garçons auteurs de grossesse de fréquenter le système éducatif formel. La présidente de cette commission informe que des consultations avec les concernés sont en cours. La députée Glorieuse Nimenia tranquillise les parents et élèves. Suivez-la. Nous avons recueilli les avis des uns des autres. Certains émettent des inquiétudes en disant que peut-être c'est la limitation des élèves filles de continuer les écoles. L'inquiétude réside au niveau des auteurs de ces grossesses pour les filles. Alors je dirais que peut-être la mesure est limitative, c'est limitatif, mais c'est aussi limitatif pour les jeunes filles. On tranquilliserait la population parce que nous sommes encore de recueillir la population et puis nous allons aller vers les décideurs. Je pense qu'ils ont considéré la pauvreté au niveau des familles. Peut-être avec cette nouvelle mesure d'aller dans les écoles professionnelles, c'est peut-être une façon de les aider. Les jeunes filles peuvent se prendre en charge et aider les parents. On reste tranquille et tous les intervenants en la matière peuvent se concerter. Et je pense que l'État ne peut pas prendre une mesure pour bloquer l'éducation des jeunes filles. Ce n'est pas une limitation pour les jeunes filles. Peut-être qu'il y a une évaluation. Et on peut comparer la nouvelle mesure et l'ancienne mesure qui permettrait les jeunes filles à retourner sur le banc de l'école. Je pense que on peut tranquilliser la population. Comme vous le savez, quand il y a une nouvelle mesure, il faut attendre la mise en application de cette mesure et voir les inconvénients et voir aussi les points positifs. Et comme ça, on ne peut pas dire beaucoup de choses tant que la mesure n'est pas encore appliquée. Radio Isanganiro, chronique justice. La tâche de défendre les intérêts de l'État revient aux avocats de l'État contre les mandataires ou préposés de l'État ou d'une commune qui ont commis une faute engageant ces institutions. Le président du Centre de formation professionnelle de la justice précise que l'affaire est mise devant la cour administrative. Édouard Minani considère qu'une telle instance intervient principalement après le dédommagement des victimes de la faute et qui auraient été commises par ces mandataires ou préposés. Les détails, c'est dans cette chronique judiciaire signée Alain Désiré Oukéenez. Nous avons parlé dans la précédente chronique de l'action en justice, dite action récursoire, dirigée contre un mandataire ou préposé de l'État ou d'une commune qui commet une faute engageant ses institutions. La loi irrelative de 2014 précise que cette action succède surtout à celle d'un citoyen ayant obtenu gain de cause pour le dédommagement de ses préjudices. Les précisions sont du président du Centre de formation professionnelle de la justice. Le tiers qui est lésé par la faute du préposé du mandataire agit contre le mandataire directement. Mais comme l'État est là, l'État intervient pour couvrir son mandataire dans un premier temps. Et l'État dédommage le tiers lésé par le versement d'une certaine somme. L'État se retourne contre son mandataire ou son préposé pour que la somme déboursée lui soit remboursée. Les intérêts de l'État sont défendus par ses avocats du service des affaires juridiques et du contentieux. Après une requête introduite par le ministre de la Justice, saisie par les représentants des communes ou institutions étatiques, et la compétence pour ce cas est réservée à la Cour administrative. L'État, la commune, porte plainte en justice. Même l'État porte plainte en justice. À travers, surtout, le ministère de la Justice. Et c'est M. Justice qui a introduit la requête auprès de la Cour administrative pour la réparation de dommages. Et ce sont les avocats de l'État qui interviennent pour défendre les intérêts de l'État. Édouard Minani précise que les avocats de l'État peuvent se saisir d'office en cas de défaillance des représentants de l'État ou des communes. Une autre subtilité, c'est que, selon la loi, les avocats de l'État peuvent d'office se saisir lorsqu'il y a inertie des mandataires de l'État ou des communes pour intenter cette action en justice. Un préposé de l'OTB, par exemple, a commis une faute et que l'OTB a remboursé, a dédommagé le tiers lésé. Et finalement, que l'avocat de l'État constate que l'OTB ne peut pas agir en justice pour recouvrer les montants déboursés. L'avocat de l'État peut d'office se saisir et saisir la justice pour que ces frais exposés de l'État soient remboursés. La juridiction saisie peut tenter un règlement à l'amiable à la demande de l'une des parties ou d'office dans un délai de 2 mois. L'instruction est poursuivie en cas d'insuccès dans 3 mois qui suivent, l'administration étant tenue d'exécuter volontairement la condamnation dont elle est objet. La mise en œuvre de l'action récursoire est animée par le souci d'interpeller les mandataires ou préposés de l'État ou d'une commune à s'occuper correctement des affaires qui leur sont confiées. D'abord, c'est la responsabilisation des cadres de l'État et des communes, mais aussi la reddition des comptes. Je crois que c'est dans la lignée de notre dynamique vers la bonne gouvernance. C'est pour responsabiliser donc tous les intervenants en matière d'administration, en matière de gestion des biens publics. Les actions fondées sur l'action réquisitoire sont exercées devant la cour administrative ou le tribunal ordinaire selon la qualité du défendeur. Et l'action en réparation se prescrit un an après le jour où l'organe compétent pour la faire valoir au nom de l'État, de ses démembrements ou de la commune a connu le dommage et son auteur. Merci Alain, et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à tous. Au revoir.